Chapitre 13. Ruine des châteaux, joie de Genève, délivrance de Bonivard, de février à fin mars 1536. 9-13. Entrevue entre Berne et Genève. Les châteaux sont brûlés. Cercle de feu. Destruction de Penet. Esprit de paix dans Genève. Élection des syndics. L'armée s'avance. L'armée délibère. Les Français en Savoie. Ils s'emparent des états du duc. Le duc tombe et Genève s'élève. Prétention des Bernois, fermeté des Genevois. Conquête de Vaud. Bonivard à Chillon. Genève et Berne veulent le délivrer. Ils canonnent Chillon. La garnison se sauve, Chillon se rend. Délivrance de Bonivard, un hôtel de l'Évangile et de la Liberté. Maintenant, il devait y avoir une entrevue entre les libérateurs et les délivrés. Berne et Genève, qu'unissaient une foi commune, devaient se saluer mutuellement. Les membres de ces deux républiques s'aimaient alors non seulement comme des alliés, mais comme des frères. Le jeudi 3 février, le conseil des 200 se réunit, beaucoup d'autres citoyens y accoururent, la salle était comble. Negelli parut, entouré de ses principaux officiers et des représentants des conseils de Berne. La joie éclatait dans l'assemblée et tous les regards se fixaient sur le vaillant général. « Il y a longtemps, très honoré Seigneur, dit-il, que nous avons ouï vos plaintes. Pendant 20 mois, nous n'avons cessé de faire de grands efforts à Lucerne, à Bade, à Aoste même. Ayant alors épuisé les moyens de la paix, nous avons tiré l'épée et l'ennemi a fui de toutes parts. Maintenant, nous ferons tout ce que vous nous commanderez, car nous sommes ici pour accomplir les serments qui unissent Genève et Berne. » Ce noble langage émut l'assemblée. « Dieu vous le rende, dit le premier syndic. » Puis, voulant que l'œuvre fût parfaite, il ajouta, « Maintenant, messieurs, marchez plus outre. Poursuivez l'ennemi jusqu'au bout. Nous sommes prêts à vous donner tout le secours nécessaire. » Il fut décidé que l'armée s'emparerait d'un côté du Chablais sur la rive gauche du lac et pousserait de l'autre côté jusqu'à Chambéry. Dans toutes ces contrées, on répandrait la parole de Dieu. Il y avait auparavant une autre œuvre à terminer. Les châteaux avaient entravé pendant des siècles la civilisation et plus tard l'Évangile. C'était du haut de ces nids, quelquefois suspendus aux rochers, que les vautours s'élançaient sur la plaine. On avait vu des évêques même supplier les princes de détruire ces constructions d'inspiration diabolique pour l'amour de Dieu et en l'honneur de Sainte Marie. L'évangélique Negelli allait le faire, et dorénavant le laboureur guiderait en paix sa charrue au milieu de ses champs, dont il n'aurait plus à craindre de voir ravir les trésors. La population des châteaux avait disparu, la terreur des Bernois avait dépeuplé la contrée. Hommes, femmes, enfants s'étaient sauvés dans les chétifs chalets du Salève, des Voirons, du Maule, du Jura. Les prêtres et les moines eux-mêmes, abandonnant les cures et les couvents, avaient jeté leurs soutanes et pris des habits de paysans. Pas un par tout ce pays n'osait se donner pour prêtre ou pour moine. De temps en temps, un d'eux, sortant de sa cachette, vêtu d'une jaquette grise, entrait mystérieusement dans quelque cabane à demi abandonnée et s'informait, auprès de quelques paysans effrayés, de ce que faisait dans le pays l'ours de Berne. « Mais prenez garde, ajoutait-il, de ne dire à personne que je suis prêtre. » Les despotes cléricaux et laïcs du Moyen-Âge apprenaient à leur tour ce que c'est que trembler. Enfin, une grande scène de désolation, qui devait être la dernière, commença. Un jugement, ne peut-on pas dire un jugement de Dieu, s'accomplit. On vit luire d'abord ça et là quelques flammes, puis, en peu de temps, un immense incendie. Des escouades, composées de Bernois et de Genevois, sortaient de la ville. Les uns allaient à droite, les autres à gauche. Quelques antiques murailles, quelques vieilles tours, leur servaient de pointe-mire. « C'est de là, disaient les Genevois, c'est de là que sont souvent sortis pour se jeter sur nous le brigandage et la mort. » On entourait l'édifice, les plus impétueux pénétraient dans l'intérieur, ils y mettaient le feu, et quand les flammes avaient pris, ils allaient à une autre exécution. Ces escouades étaient suivies d'une troupe nombreuse d'hommes, de femmes et de garçons, qui avaient aussi leur rôle dans l'affaire. La justice de Dieu passait sur la contrée, comme autrefois sur la terre de Canaan. Les châteaux de Gey, de Gaillard, de Jussy, ces terribles fléaux de Genève, ceux de Copé, de Prangin, de Bellerive, de Villette, de Ville-la-Grand et plusieurs autres étaient la proie des flammes. Il y en eut en tout, selon Froment, 120 à 140. La ville était quelquefois entourée par un cercle de feu. Plus l'offense avait été longue, cruelle, plus le châtiment était terrible. Nul n'était mis à mort, mais ses repères féodaux, qui s'écroulaient au milieu des flammes, étaient comme un sacrifice offert par les Suisses aux mânes des citoyens immolés par les anciens possesseurs. Il était surtout un château dont les Genevois désiraient la ruine. C'était Penet. Le 8 février, des Bernois, accompagnés de quelques cavaliers et de quelques artilleurs de Genève, partirent pour cette exécution. Le sang répandu par les Penaisins et leurs innombrables violences faisait crier de tous côtés « Point de grâce pour Penet ». La forteresse presque abandonnée fut facilement occupée. Un feu fut allumé dans cette cour où des victimes avaient été cruellement torturées. Bientôt le château fut en flammes, il ne resta que des tours démantelées, des murailles noircies, mais ce n'était pas assez. Ces pans de murs semblaient encore coupables. Les Genevois démolirent entièrement cette sinistre ruine, et maintenant on n'en trouve plus trace. Toute la contrée était enfin nettoyée d'un brigandage séculaire, mais nous le répétons, il ne paraît pas qu'un seul des gentilshommes ou de leurs gens ait payé ses crimes de la mort ou seulement de la captivité. La devise de Genève et de Berne pendant cette remarquable expédition fut « Épargnons les tyrans, abattons leurs repères ». En même temps, la paix régnait au-dedans. Un esprit de pardon semblait être descendu sur Genève. Le bonheur élargissait tous les cœurs. Le dimanche 6 février, le prêche se fit dans les diverses églises par les réformateurs. Après quoi, la grande cloche, la Clémence, réservée pour les occasions solennelles, appela le peuple tout entier dans Saint-Pierre. Ce fut comme le premier jour de la Nouvelle République. « Citoyens, dit l'un des syndics, pour que cette ville prospère, il faut croire ce que l'Évangile enseigne. » Et vivre selon ce qu'il commande. Ainsi donc, ceci est notre nouvelle ordonnance, que toutes les haines soulevées pendant la guerre soient éteintes, que toutes les offenses soient pardonnées, toutes les querelles oubliées, tous les procès annulés. Laissons là tous les noms odieux, que nul ne dise plus à l'autre « tu es un papiste » ou « celui-ci à celui-là, tu es un luthérien », mais que tous vivent selon le saint évangile de Dieu. Tel était le premier fruit de la réformation. « Oui, oui !» s'écria le peuple. Puis on procéda à l'élection des 4 syndics qui devaient se trouver à la tête de la nouvelle République. L'Assemblée élut l'énergique Claude Savoie, l'aimable et persévérant Ami Poral, le zélé Étienne de Chapeau-Rouge, homme décidé pour la réformation, mais surtout homme politique. Le peuple voulut avoir parmi ses premiers magistrats un homme purement évangélique, et nomma Ami Levet, le mari de la pieuse Claudine, quoiqu'il ne fût pas au nombre de ceux que le Sénat proposait. Plus tard, les 200 élurent les 25 membres du Conseil, et Ballard ainsi que Richardet, catholiques romains mais bons citoyens, furent maintenus dans leur place. Au moment du plus grand enthousiasme, Genève se montrait juste et sans esprit de parti, ce qui se rencontre rarement dans les annales des peuples. Déjà la veille, Negély, à la tête de l'armée, augmentée d'un contingent genevois, s'était mise en route afin de poursuivre sa victoire jusqu'à Chambéry et plus outre. Des pensées peut-être ambitieuses s'agitaient alors dans quelques Bernois. Pour le triomphe de la réformation, se disait-il, peut-être pourrait-on dire pour la grandeur de Berne, il faut que la Savoie soit conquise, et même le nord de l'Italie. Qu'au centre de l'Europe, des deux côtés des citadelles colossales des Alpes, se forme une grande confédération de peuples indépendants et évangéliques, qui répandra dans l'Allemagne, la France et la péninsule italique la liberté, la vérité. Ainsi donc jusqu'à Chambéry et plus outre. Le rêve devait à l'instant même s'évanouir. Le général chevauchait en avant, calme et pensif, suivi de quelques officiers. Il retourne la tête et ne voit plus d'armée. Negély se lance au galop du côté de Genève. Il découvre ses soldats dans une vaste prairie où, formés en carré, ils délibèrent démocratiquement. D'où vient cette indiscipline militaire ? Les soldats, contents d'avoir délivré Genève, ne se souciaient point de suivre dans ces hardis desseins leur intrépide capitaine. Ils délibéraient donc comme dans leur vallée. Marcheront-ils en avant ou retourneront-ils en arrière ? À Berne, criaient plusieurs, aux prairies, aux troupeaux, aux montagnes. Negély parvint pourtant à faire marcher sa troupe. n'était-il pas le bon Franz ? Le samedi 12 février, l'avant-garde suisse se trouvait à Rumilly, près du lac du Bourget, à 8 lieues de Chambéry, quand le grand prévôt de Paris, M. de Villebon, arriva en grande hâte au camp. « Le roi, mon maître, dit-il, a querelle contre le duc de Savoie, son oncle, à cause des droits de sa mère. Hier, 11 février, il a signé à Lyon la commission donnée à l'amiral de France, sire de Brion-Chabot, pour attaquer la Savoie. 800 lances françaises, 1000 chevaux légers, 12 000 fantassins, 6 000 lansquenets, 2 000 aventuriers français, 3 000 italiens et une bonne artillerie vont entrer dans les terres du duc. Et quand la Savoie sera conquise, l'armée française envahira le Piémont. Je vous demande donc, au nom du roi, de ne point passer outre. » Neguilly, déjà ébranlé par les demandes de ses soldats, répondit que puisque le roi de France avait des droits sur ses contrées, les Suisses arrêteraient leur marche. D'autres mains que celles de la Suisse devaient porter les derniers coups destinés à assurer la réformation et l'indépendance de Genève. À peine Villebon fut-il de retour à Lyon que l'armée de François Ier s'avança, prit la Bresse, la Savoie, puis envahit le Piémont et ensuite le Milanais. Le duc, toujours irrésolu, n'avait pris aucune mesure pour arrêter les Français. En vain appela-t-il au dernier moment Médicis à son aide, ce capitaine qui n'avait pu perdre Genève, ne put sauver le Piémont. Charles III, abandonné de l'empereur, son beau-frère, se vit, après avoir mis 30 ans de sa vie à traquer Genève, dépouillé en 4 mois de ses états où il ne rentra jamais et acculé au bord de la Méditerranée. Tous les malheurs l'accablèrent à la fois, son pays était ravagé par la peste. Ses amis se tournaient contre lui, l'empereur se montrait sans pitié à son égard, son fils, héritier de la couronne, lui était enlevé par la mort. Sa belle et orgueilleuse épouse, la portugaise Béatrice, frappée au cœur par tant d'infortunes, succombait à une maladie de langueur. De tous ses états, on ne lui laissa que le Val d'Aoste, Nice et 2 ou 3 autres villes. Seul, effrayé, ce malheureux prince menait une vie languissante. Il regrettait son fils, regrettait sa femme, regrettait ses états. Son imagination frappée l'entourait de fantômes. Genève, qui développait sans obstacle sa glorieuse et nouvelle existence, était pour lui comme un spectre vengeur. Il tomba malade, il avait des sueurs, des frissons, ses yeux s'obscurcissaient, sa face était blême, une fièvre lente le consumait. Après un supplice de 23 années, la mort, suite de ses revers et de sa tristesse, mit fin à la douloureuse existence du grand ennemi de l'indépendance genevoise et de la Réformation. Son fils, Emmanuel Philibert, grand caractère, récupéra ses états. Mais, ayant beaucoup de maux à réparer, il suivit à l'égard de Genève une politique pacifique. 44 ans de paix permirent à la Réformation et à la Nouvelle République de se fortifier et s'organiser. Dieu donne aux peuples et aux églises dont il veut se servir le temps nécessaire à leur développement. Pendant que ces choses se passaient, des dangers, moins apparents sans doute, mais aussi grands qu'inattendus, menaçaient Genève. Les Bernois désirant tirer avantage du secours accordé à la petite République, leurs ambassadeurs mirent en avant des prétentions étranges qu'ils affichèrent un peu plus tard vis-à-vis de Lausanne et du pays de Vaud, et qui alors furent trop facilement satisfaites. Les seigneurs de Berne, sans craindre qu'on leur reprochât de n'avoir consulté dans leur expédition que leur intérêt propre, insinuèrent au conseil de Genève qu'ils devaient avoir leur récompense et demandèrent que les droits et prérogatives de l'évêque et du duc leur fussent transférés. Cette demande révolta la fière indépendance des Genevois, et ils rejetèrent la souveraineté de Berne avec autant de décision que celle de la Savoie. « Si nous avions voulu nous donner des maîtres, répondirent-ils fermement, nous nous serions épargnés toutes les peines, les dépenses et le sang que nous avons prodigué pour assurer notre indépendance. » Berne dut céder devant une résolution qui paraissait être inébranlable. Quand Neguilly rentra dans Genève après avoir pris le fort de l'Écluse à son retour de sa courte campagne, il fut étonné d'y trouver un accueil froid et embarrassé, bien différent de la réception enthousiaste des premiers jours. Le noble général, qui n'aimait pas de telles discussions, ordonna immédiatement le départ de l'armée. Il avait encore une grande œuvre à accomplir. Conformément aux ordres du gouvernement bernois, il devait briser le double joug du pape et du duc, qui pesait sur le pays de Vaud. Ces hommes d'armes s'avancèrent dans ces contrées, et nul ne leur résista. Negelli prit Yverdon, où s'était fortifié l'intrépide Mangereau. Bientôt, villes, villages et châteaux se soumirent. Quelques villes, fatiguées de la domination savoyarde, souhaitaient l'annexion à Berne. D'autres, Lausanne en particulier, et quelques populations rurales, voulaient maintenir tous leurs droits. Les Bernois promettaient le respect des franchises, on céda. Quoi qu'il en soit, ce fut une œuvre salutaire que celle d'enlever au pape et de réunir à la Suisse ces belles contrées qui s'étendent du lac de Genève à celui de Neuchâtel. Negelli rentra avec calme dans Berne, et ses soldats, glorieux de cette campagne d'un mois qui devait avoir de si importantes conséquences, firent éclater leur joie et terminèrent leur chant par ce vers « Respecte l'ours » ou bien « Crains les oursons ». L'œuvre semblait accomplie. La cité de la Réformation tressaillait de joie et s'enivrait d'air, d'évangile et de liberté. Toutefois, il y avait ça et là des tristesses, des regrets. Bien des cœurs étaient dans l'angoisse, et plusieurs portaient avec chagrin leur côté du côté de Chillon, où depuis près de 6 ans languissait Bonivard. Il avait tant fait pour donner à Genève la liberté, et lui seul n'était pas libre. Il languissait étroitement enfermé dans l'enceinte de ces rocs, dont les cavités s'abaissant au-dessous du lac forment un gigantesque sépulcre. Un soupirail y laissait pourtant entrer un faible rayon de lumière, et le prisonnier, en tournant lentement autour de la colonne, à laquelle une chaîne l'attachait, aimait à porter de ce côté ses regards et contemplait parfois, dit la tradition, un petit oiseau posé sur les barres de fer de cette étroite ouverture. Mais, au moindre bruit, l'oiseau s'envolait dans le bois qui s'élève derrière le château, ou fuyait en planant sur les eaux du lac. Le volatile était libre, mais Bonivard était dans les chaînes. « J'avais tel loisir de me pourmener, dit-il, que j'empreignis un chemin en la roche, comme si on l'eût fait avec un martel. » Au moment où la main perfide de ses ennemis l'avait saisi, il s'était écrié « Je vais seul avec Dieu subir ma passion. » Et il la subissait. Mais tandis que son corps et son cœur souffraient, son esprit travaillait. Nous avons, écrites de sa main, quelques-unes des pensées qui l'occupaient alors. « Vie en te souvenant de la mort. Le courage s'accroît par les blessures. » Et d'autres semblables. Depuis 5 ou 6 mois, les parlementaires de Genève, traîtreusement saisis à Copé, étaient aussi renfermés dans Chillon, mais non dans le souterrain. De telles iniquités ne pouvaient être tolérées. Berne reprit ses bâtons de feu et Genève prépara ses nefs. Le 20 mars, 100 hommes d'armes montaient sur 4 barques armées en guerre et sur d'autres embarcations. Les conseils genevois en avaient donné le commandement à l'actif François Favre et à François Chamois. Tous les citoyens eussent voulu se porter eux-mêmes à Chillon pour mettre en liberté Bonivard et les plénipotentiaires. Aussi, le jour du départ, chacun quittait sa demeure et d'une foule émue, assemblée près du Rhône, s'élevait de toutes parts ce cri « Sauvez les captifs !» Un dimanche matin, c'était le 26 mars, Bonivard étant comme toujours au fond de son souterrain, prêta l'oreille. Il lui sembla entendre un bruit inaccoutumé. Il ne s'était pas trompé. De fortes détonations, encore lointaines, retentissaient jusque sous la voûte de la prison. Que se passait-il? C'était l'artillerie de Berne qui, arrivée à Lutry, entre Lausanne et Chillon, annonçait sa présence. Mais ce signal de la délivrance devait être pour le malheureux Bonivard et les 3 parlementaires le signal de la mort. Si les Bernois se présentent devant la place, avait écrit le duc de Savoie au gouverneur, vous donnerez 2 estrapades de cordes aux prisonniers de Genève, et après cela vous les exécuterez irrémissiblement. Le duc entendait que les libérateurs ne trouvassent que des cadavres. Le lendemain 27 mars, Chillon était cerné. Berne avait rangé ses troupes et braqué ses canons au-dessous du village de Vétot, entre le château et Montreux. Les Valaisans, quoique catholiques, avaient aussi pris les armes pour chasser le duc de leur voisinage et avaient placé leur artillerie du côté de Villeneuve. Les Genevois entouraient le château du côté du lac. La canonnade commença, le gouverneur comprit que toute résistance était inutile et la nuit arrivée, il demanda à parlementer. Negelli, Favre et quelques autres chefs réunis entre le château et les batteries bernoises au pied d'un rocher escarpé reçurent ses députés. Mais, comme on ne pouvait se mettre d'accord, la conférence se prolongea. Les hommes de la garnison, se souciant peu de tomber dans les mains des Suisses, résolurent de profiter de ce moment de répit et des voiles de la nuit pour s'échapper. Ils se glissent silencieusement sur la grande galère, pas un cri, pas un bruit d'armes ne se fait entendre, et s'étant tous ainsi mystérieusement évadés, ils voguent rapidement vers la Savoie. Favre, l'ayant appris, monte aussitôt sur sa barque amarrée au rivage et la précipite à la poursuite de l'ennemi. Mais avant qu'il l'atteigne, les hommes de la garnison ont jeté leurs canons au lac, mis le feu au navire et, descendant à Lugrin, se sont élancés dans les Alpes savoyardes, au-dessous des Dandoches. Emmènent-ils avec eux Bonnivard et les trois parlementaires? C'est la question que l'on se pose. Favre, inquiet, vire le cap au nord et retourne à Chillon. Au moment où il arriva, le gouverneur venait de se rendre. Negelli, en partant de Berne, lui avait écrit qu'il répondait sur sa tête de la vie des prisonniers. Il avait donc quelque espoir de les retrouver. Favre, Chamois et les autres Genevois descendent en hâte de leur barque, entrent dans le château. Et bientôt, ils embrassent les trois parlementaires. Mais Bonnivard, on prend les clés du souterrain. On ouvre une porte basse, on entre. C'est la salle des exécutions. Sous une voûte grossière se trouvent les roues, les haches, les strapades, les cordes, tous les horribles instruments avec lesquels on disloquait et l'on tuait les hommes. Les Genevois, sans s'arrêter, courent à la porte du souterrain, détachent les barres, font rouler les verrous. Les amis du prieur de Saint-Victor franchissent le seuil, se précipitent sous les voûtes obscures, arrivent à la colonne. Le voilà, il vit. Bonnivard tombe dans leurs bras, ses amis pourtant avaient peine à le reconnaître, ses traits altérés par les souffrances, sa longue barbe en désordre, ses cheveux qui recouvraient ses épaules avaient changé son apparence. « Bonnivard, lui dit-on, Bonnivard, vous êtes libre. » Le prisonnier qui semble sortir d'un long sommeil ne pense pas à lui-même. Sa première parole est pour la ville qu'il a tant aimée. « Et Genève, dit-il, Genève l'est aussi. » Ses chaînes lui sont ôtées et, guidé par ses amis, il franchit la porte de la vaste prison. La vive lumière qui lui apparaît blesse ses regards qui en ont été privés tant d'années. Il les retourne involontairement vers les ténèbres du souterrain. Pourtant, il se remet et dit adieu à son sépulcre. La foule le contemple quelques moments avec émotion, puis elle se précipite dans cette place lugubre où le malheureux a si longtemps gémi. Chacun veut la voir, et pendant bien des siècles, le voyageur la visitera. L'illustre prisonnier était délivré. La dernière forteresse de la tyrannie était prise. La victoire de la Réformation était accomplie. Celui qui parcourt les rives pittoresques de Montreux n'arrêtera plus ses regards sur ces antiques murailles sortant des eaux sans éprouver un mouvement d'horreur pour le despotisme et de reconnaissance pour l'Évangile. Ces rocs, si longtemps les témoins de l'oppression, sont maintenant salués avec émotion et avec joie par les amis de la parole de Dieu et de la liberté. Chillon, ta prison est un lieu saint et ton dur parquet un autel. La flottille vogua bientôt vers Genève avec Bonnivard et les trois parlementaires. Ils revenaient joyeusement avec l'aide d'en haut et bientôt ils descendirent de leur barque au milieu des cris de joie de leurs concitoyens et posèrent leurs pieds sur une terre libre.